Je me suis éveillé brusquement, sans ton regard placide, si proche. Swedenborg m'avait déjà appris qu'aucune infidélité n'est secrète. La tromperie est une âme qui se brise. Mais tu as confondu mes flirts légers, et comme tant de trompés, j'ai pardonné ton infidélité par une autre plus fatale. Car nous vivons des vies infinies, de récompenses, d'angoisses et de tourments. J'ai accepté ton éloignement comme un châtiment sans visite. Le réconfort d'un amour sans fondement. Tu savais qu'avec Dieu je ne mourrais pas. C'est pourquoi je déchire mon cœur desséché sur des pierres que je cisèle avec des diamants et que je laisse aux abords des villages. Avec Dieu, je ne mourrai pas. C'est pourquoi je déchire mon cœur desséché sur des pierres que je cisèle avec des diamants et que je laisse aux abords des villages.